Micro ouvert. Pierre-Emmanuel Barré, humoriste qui en balance, hein, et pas que cette fois-ci, ce mec, enfin voilà, il a été viré, je pense, de la chaîne publique, hein, parce qu'il y allait un peu trop fort. Pour finir, il est parti, enfin voilà, c'était un peu tendu. Et donc, on s'écoute ce Pierre-Emmanuel Barré qui balançait sur Macron à l'époque, là. Avant, quand c'était l'enjeu des présidentielles, c'était juste énorme et pourtant tellement vrai. Non mais qu'est-ce que c'est que cette fascination du pays pour Macron? Tout le monde s'extasie. Oh non, il est si différent. C'est le renouveau de la politique. Oh, hey, Macron, il a fait l'ENA, il a été banquier chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'économie. Il est où le renouveau, putain? Ça fait 10 ans qu'il roule pour les mecs qui vous enculent. Au lieu de le pousser pour faire sortir, vous passez une main entre les jambes pour lui caresser les couilles. Hey, alors, il y a aussi ceux qui disent, au moins Macron, il a jamais été élu, on pourrait essayer. Mais d'où c'est un argument, ça? Tiens, j'ai jamais chauffé l'eau du bain de mon fils avec le sèche-cheveux, je pourrais essayer. Et puis vous avez vu la presse, c'est incroyable, regardez. Capital, Macron, l'outsider qui monte. Challenge, 2017, un boulevard pour Macron, l'Express, Macron ringardise la vieille garde politicienne, dis donc, il doit vraiment avoir une très très grosse bite ce Macron pour qu'autant de gens arrivent à le sucer en même temps, hein? Non mais sérieusement, c'est quoi son secret pour que tout le monde l'aime autant? Il fait du vaudou, il vous a tous ensorcelé? Ou alors il a des dossiers sur tout le monde, il vous fait chanter, c'est ça? C'est ça Nagui? Quand il est passé à Bercy, il a gardé ta feuille d'impôt? Sûrement. Il a la vidéo où tu joues au docteur avec Michel Simès? Hein? Hey Michel, t'es sûr que t'es au Torino à la base? Oui, pourquoi? Parce que là, c'est pas le tympan, c'est la prostate. En plus, il se fout vraiment de notre gueule, Macron. Je suis libéral, mais je suis de gauche. Libéral de gauche, ça veut dire quoi? Hein, il t'encule, mais les points de suture sont remboursés par la sécu? Excusez-moi, hein, mais le libéralisme de gauche, ça n'existe pas. C'est comme lutter contre la pédophilie en abaissant la majorité à 6 ans. Alors, son programme, Macron, c'est dans un livre qui s'appelle Révolution. C'est quoi une révolution menée par Macron? Camarades, pendons les ennemis du peuple. Attendez, sauf les banquiers parce que c'est des copains. Sauf les grands patrons parce que c'est des copains. Attendez, sauf les politiques parce que... vous savez quoi? Finalement, pendez-vous entre vous, on s'occupe de la transition avec les copains. Hein? Non, et vous avez vu ses soutiens à Macron? Il a été adoubé par Alain Minc et Jacques Attali, il est soutenu par Xavier Niel, Ségolène Royal, et il paraît que même Hollande commence à lui renifler le cul. Hein? Excusez-moi, mais quand il y a autant de mouches qui te tournent autour, c'est que tu pues un peu la merde. Hein? Même Patrick Bruel le soutient, putain! Alain Minc et Patrick Bruel! Tu mets les deux dans une poubelle, tu secoues, ça fait Michel Sardou. La seule raison pour laquelle j'irai dans un bureau de vote, c'est s'il y a un candidat soutenu par Karl Marx et Didier Super. Autant vous dire que ma carte électorale, elle est comme la femme de Macron, ça fait longtemps qu'elle a plus de tampons. Merci de m'avoir écouté. La bouffe est tellement dégoûtante qu'on met des produits qui agissent sur le système bulbaire pour faire croire aux gens que c'est bon. Une soupe en sachet, normalement, elle est tellement dégoûtante que vous alliez la vomir aux toilettes. Mais comme on a mis du glutamate, qui est un appétant qui agit sur le système bulbaire, puis tiens, elle est bonne, la soupe, machin, puis vous en rachetez. Et les bêtes, c'est comme ça qu'on a fait manger de la viande aux vaches, c'est en leur mettant des molécules chimiques. Mais oui, sinon, une vache, vous lui mettez de la viande, elle recule tout de suite, c'est un herbivore. J'ai fini mes études, moi, de zoologie, biochimie à l'université. Je suis rentré à l'agro. Et là, à l'agro, j'ai été horrifié, quoi. Là, on nous apprenait à mettre de la viande dans la nourriture des vaches, à rendre les vaches carnassières. On entassait les porcs se mangent la queue, on coupe la queue des porcs. On entasse, ils se mangent les oreilles, on coupe les oreilles des porcs. On entasse, ils continuent à se manger les jambons, donc on leur arrache les dents. Et quand je voyais ça, ils nous projetaient les films avec des caméras vidéo, des prises de la nuit, hein, où on voyait les porcs se dévorer. Je dis, les hommes sont devenus fous, quoi. Ils donnent de la viande aux vaches, ils laissent les porcs se dévorer, enfin, ils les entassent à des niveaux invraisemblables. Les femelles, on est obligé de les entraver, sinon elles dévorent leurs petits, parce qu'elles sont à des niveaux de densité qui est insupportable. Les poulets, on est obligé de leur couper le bec supérieur, sinon ils se déchirent à la peau. Il y a même eu des ingénieurs qui ont créé des races de poulets sans plumes, parce qu'ils avaient calculé qu'il y avait des pertes d'azote avec les plumes, que ça consommait de l'azote et de la potasse, donc ils ont fait des variétés de poulets sans plumes, puis ils se sont rendus compte que les poulets sans plumes, ils avaient froid, fallait chauffer les bâtiments, et que ça coûtait plus cher que l'azote, donc finalement ils ont remis les plumes sur les poulets. Donc si vous voulez, on voyait des trucs complètement fous, quoi. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses, Ils ont essayé de faire des œufs carrés, ils n'y sont pas arrivés parce que l'œuf est très embêtant, parce que l'œuf est dans une enveloppe qu'on appelle hyperboloïde de compensation qui prend beaucoup de place. Et on aimerait bien que les poules pondent des œufs carrés, ce serait quand même plus pratique à ranger, mais là, ils n'y sont pas arrivés. Mais je voyais dans cette agronomie le délire, quoi. C'était des hommes fous. Et donc, en sortant, tout de suite, avant la fin des études, je me suis dit, non, mais là, ça ne va plus. Et donc, il se trouvait qu'il y avait une formation encore à l'époque en microbiologie des sols. Je dis, il faut repartir là-bas, parce qu'il faut repartir au sol. Et quand je suis arrivé en troisième année en microbiologie des sols, j'étais le seul. Donc, j'ai eu une année de cours particulier, ce qui est quand même intéressant. J'ai les profs uniquement pour moi. Et depuis, la chaire de microbiologie a été supprimée. Elle a été supprimée en 86, c'est-à-dire que depuis 20 ans, il y a 150 ingénieurs agronomes qui sortent en France, qui ne savent pas ce que c'est que la biologie du sol, ils ne savent pas comment fonctionnent les microbes, rien. Ce qui est quand même, quand vous y réfléchissez, absolument incroyable. Et toutes les chaires de microbiologie des sols ont été supprimées dans le monde. Toutes les chaires de microbiologie des sols agricoles ont été supprimées de telle sorte que les ingénieurs agronomes ne savent même pas que le sol est vivant. Et donc, ils font n'importe quoi, puisque au lieu de faire attention, ils sont prêts à déverser des pesticides, des engrais. Ils ne savent pas que chaque fois que vous mettez un grain de potasse sur un ver de terre, il est mort. Vous le mettez même sur le dos d'une grenouille, elle meurt. Et ça, ils ne le savent pas, puisqu'ils ne s'intéressent pas à l'aspect vivant. Et je me suis aperçu que le Limousin fabriquait plus que 8% de son alimentation, que la Franche-Comté c'était 1%, la Corse 0%. La souveraineté alimentaire en France, elle est complètement inexistante. Et qu'en cas de grave catastrophe climatique, sanitaire, énergétique, on est incapable d'approvisionner la France. Et puis, il y a des solutions. Il y a des solutions. La restauration de périmètres de souveraineté alimentaire, en agrobiologie, bien sûr. Avoir plusieurs métiers. Être paysan, informaticien, électricien. Mais de toute façon, il y aura cette dimension agricole en chacun de nous. Et c'est ça qu'il va falloir... restaurer. Il y a eu cette déconnexion justement entre l'intellectuel et puis le manuel, et le paysan de demain sera cette, à la fois intellectuel et à la fois manuel. L'homme de demain sera tout ça. La relocalisation de l'économie, elle est absolument fondamentale. Il est fondamental qu'un individu puisse trouver sa nourriture sur son territoire. Il pourrait y avoir une multitude de petites fermes à taille humaine, où l'humain se sent que c'est à sa mesure. Il y a un merveilleux chantier qui peut s'ouvrir pour l'avenir, et celui-là est exaltant, parce qu'entretenir un système moribond, moi, faire l'acharnement thérapeutique sur un système moribond, ça ne me paraît pas très, très exaltant. C'est aujourd'hui ce que l'on ressent, c'est-à-dire cette espèce d'interventionnisme par le perfusionnement, par l'acharnement, dans une transition qui doit être extrêmement fertile entre un système qui est en train de mourir, qui décline, et un autre qu'il faut reconstruire. Et donc nous avons cette transition, et c'est dans cette transition que l'imagination et les utopies doivent fleurir. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de solutions locales pour un désordre global. Ça date pas d'aujourd'hui du tout, hein. C'était un film de Colin Serrault. Je vous invite à aller voir, à revoir. Donc je vous dis, ça date de 2010, quoi. C'est pas du tout un truc récent, mais c'est tellement d'actualité. C'était à l'époque, on filmait, on donnait la parole à toutes ces absurdités. Enfin, au niveau de l'agriculture industrielle, c'est la folie. Enfin, pour celui qui n'est pas au courant, je le redis, solution locale pour un désordre global, un documentaire de Colin Serrault à voir absolument. Et donc, maintenant, on va à la petite foire de Libramont rencontrer Tetzke. J'espère que je dis bien Tetzke et Marc. Voilà, et je fais une petite annonce avant que le micro ouvert démarre, parce que c'est important. Si vous avez envie d'avoir une prise sur votre alimentation, y a moyen de faire quelque chose. Là, tout de suite, on va entendre concrètement, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a le mouvement d'action paysanne qui regroupe des artisans, des producteurs... les travailleurs ruraux, quoi. Ils ont décidé de se mettre ensemble et de donner un outil clair, net, pour pouvoir faire quelque chose. Ça s'appelle la charte commune paysanne. Ça a été mis en place pour les élections d'octobre, là, 2018. Mais c'est pas que pour octobre 2018. Hein. L'alimentation, c'est toute la vie, c'est tout le temps. Je vous invite vraiment à écouter ce micro ouvert. Parce que ça ne se limite pas à la campagne, aux campagnes. Ça peut se faire aussi dans Bruxelles, avec les communes bruxelloises. Donc vous qui nous écoutez d'un peu partout, évidemment d'un peu partout, eh bien, il y a un outil là clair que des gens ont mis en place qui s'appelle la charte commune paysanne. Hein, il y a un site internet pour mieux comprendre ce qui se dit si jamais. Et il y a moyen de se bouger les fesses pour demander à sa commune, mais aussi plus haut, puisque bientôt ce seront les élections fédérales. Ça n'empêche, hein, tout est relié, quoi. Déconnecter les choses, hein, tout est relié. Et évidemment, il faut croire à cette politique représentative, mais ça n'empêche, comme le vote est obligatoire, ben, si vous avez du temps à consacrer, allez à la commune, renseignez-vous et mettez en place cette charte commune paysanne. Il y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Jour de la révision militaire, j'étais nu comme un ver de terre, en me tripatouillant partout le corps. Vous êtes malade, me dit le major, quelle est votre conne exemption? En dessous la toise, je lui réponds. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Sitôt que nous arrivons sur terre, nous commençons d'abord par braire. On nous regarde de face et de profil pour voir notre état civil. Dites-moi quoi reconnaît-on, si c'est une fille ou un garçon? Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Dans un grand bal de ministère, je dansais avec une grosse douairière. Et chaque fois que je la faisais valser, je recevais ses nichons dans le nez. Je brisais en soulevant ce tonneau qui pesait plus de 300 kilos. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Dans le département de la Charente, un jeune candidat se présente. Vous me connaissez depuis long jour, j'ai pas besoin de faire de discours. Et du reste, tous votez pour moi, car voilà ma profession de foi. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Quand je berçais ma rêverie avec Rosa, ma tendre amie, le soir à l'heure des aveux, dans les sentiers silencieux, en la regardant dans le blanc des yeux, je lui dis d'un air très mystérieux. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Lendemain du mariage de Camille, la mère demande à sa fille, avec un petit air empressé, dis-moi comment ça s'est passé. Baissant les yeux timidement, elle répond à sa maman. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh c'est idiot, hein, ça ne se mange pas avec les doigts. Couplet patriotique. Si les ennemis, comme naguère, voulaient envahir nos frontières, ils peuvent venir car nous sommes prêts. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils prendraient? Ils s'écrieraient en se déminant au moment du chambardement. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois. Oh je m'en vais dans cette romaine de chanter des trucs comme ça. À mon âge, au revoir. Voilà, on continue la balade du micro ouvert à la petite foire de c'est pas de Libramont, hein, c'est de Neuchâtel, hein, c'est ça, hein. De Semel même, je crois. Oui, mais c'est dans nos châteaux. Oui. Donc il faut préciser ça quand même. Donc c'est par rapport à la grande foire de Libramont, vous savez, l'espèce de truc immense, le grand colosse là. Ben voilà, il y a la petite foire. C'est la 8e édition. Et on rencontre. Donne-moi ton prénom, ton nom, mais t'es pas obligé, ça peut être complètement anonyme. Ce qu'on rencontre surtout, vous voyez, moi aussi ça m'emballe, hein, c'est la charte commune paysanne. Et c'est pour ça qu'on vous rencontre, mais bon, on peut aussi vous présenter, bien que vous n'êtes pas obligé. Moi je suis Teetske Burgerjon, origine de la Frise aux Pays-Bas, et maintenant je suis dans la région de Chimay, le Bot de Hainaut. Moi c'est Marc Van Overskeld, je suis membre du MAP et paysan à la ferme des Haillons à Somtone. Eh bien voilà, enchanté, et on va commencer alors la première question, c'est qu'est-ce que c'est que cette charte commune paysanne? Qui démarre? Alors, cette charte c'est une initiative donc, du mouvement d'action paysanne, un petit syndicat de citoyens sensibles à l'agriculture et à l'alimentation. Et l'idée était de répondre, enfin, comment je vais dire, l'idée était de présenter à nos futurs élus communaux la charte paysanne, mais donc un peu ce qu'on aimerait, ce qui nous manque au niveau communal. On s'est dit que... En tant que paysan, alors? En tant que... oui, je dirais presque innovation en agriculture paysanne, mais en tant que paysan. Si on veut, on s'est dit que c'est... S'approcher du pouvoir, c'est compliqué. En agriculture surtout, toutes les décisions se font au niveau européen. Et on s'est dit qu'il y a quand même aussi des choses beaucoup plus proches de nous, et que la commune est l'organe politique le plus proche. On connaît généralement les échevins, quelques élus communaux, et le maire, le bourgmestre, en Gaume on dit le maire, mais le bourgmestre communal, on le connaît aussi en général. Et donc, je pense que l'idée du MAP était de pouvoir agir près de chez nous, avec les politiques de chez nous, et après on peut remonter plus loin, faire remonter ces personnes si elles comprennent ce qu'on veut, et que des décisions alors plus loin peuvent être mises. Mais si, pour pouvoir faire ça, il nous faut des mandataires, enfin il fallait faire la charte, donc on a commencé par faire cette charte. Entre membres paysans du mouvement d'action paysanne, on a tous travaillé depuis, depuis l'hiver et tout cet été, ce printemps. Pour, 2017-2018 2017-2018, oui. Ça a été une décision qui a été prise à la Saint-Éloi, 2017, donc 1er décembre 2017, on fait chaque fois une activité, et la proposition est sortie là, c'est-à-dire on fait un comité dans le MAP qui travaille pour construire cette charte. Ça a beaucoup évolué, on a été une douzaine, quinzaine à participer à cela. Et des gens, c'est qui ces gens alors? Alors c'est des agriculteurs, ce qu'on appelle des paysans, de Chimay, de Liège, de Luxembourg, de Namur. Des gens qui travaillent la terre évidemment, mais pas que j'imagine. Non, il y a aussi... donc, dans les paysans, un paysan boulanger, des maraîchers, des agriculteurs plus éleveurs, polyculture et élevage. Il y a aussi des gens qui sont un peu impliqués dans les mouvements, comme à Liège, la ceinture alimentaire, voilà, la ceinture alimentaire, des associations qui sont très proches du mouvement, des gens qui font partie du mouvement, mais qui sont dans le milieu associatif et qui ont aussi des idées. Donc c'est un comité associatif, citoyens et paysans qui avons écrit cette charte. Juste, j'avais une question, elle est partie de ma tête là. Et quoi, c'est plutôt des jeunes, des anciens, les deux, mélangés? Oui, mélangés, on a des plus jeunes, moi j'étais dans les plus anciens en fait. Et pas mal de jeunes, oui, c'est très très très diversifié. Hommes, femmes, plus ou moins équilibrés. Et tout ça spontanément alors? Alors, spontanément, on se connaît. La plupart, on se connaît. Il y a eu quelques personnes qu'on a qu'on a rencontrés, que moi je ne connaissais pas, pour, voilà, je vais parler pour moi. Voilà, on était à l'Assemblée Générale, enfin, la rencontre du MAP, on s'est inscrit à construire cette charte, et à 10-12, en relisant des propositions, etc., on a affiné nos idées pour pouvoir exprimer ce qu'on aura besoin demain. Cette charte, ce n'est pas non plus réfléchir à aujourd'hui, mais on s'est mis aussi dans le contexte que le monde change, que le changement climatique est bien là, on le voit vraiment aujourd'hui et ces jours-ci, hein, que le problème des migrations est va s'accentuer, peut-être aussi à cause de ce changement climatique. On sent que politiquement, des pays sont en souffrance, cherchent... Mais Marc, je pourrais... Je crois qu'entre nous, on n'a plus besoin de démontrer. Je pense qu'on sait pourquoi il y a une alternative. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre cette charte. Quels sont les points importants dans cette charte que vous soulignez? Alors, justement, par rapport à tous ces changements, ce qu'on se dit, c'est que l'autonomie va devenir importante. On est déjà dans des agricultures qui visent une autonomie alimentaire, mais aussi surtout la résilience d'un système agricole. Parce que vu le changement, nous devons nous adapter à ce qu'on appelle une agriculture résiliente. Et là, on n'a pas encore tous les outils. Et je crois que, par exemple, sur la question des semences, on se rend compte que les semences paysannes sont bien plus adaptées à des hauts changements que les semences classiques. Et voilà, ça c'est un exemple. C'est quoi la différence des deux ? La semence paysanne, c'est une semence qui n'a pas été fixée par, au niveau de la génétique, par les caractères, les caractères génétiques n'ont pas été fixés et qu'elle est beaucoup plus adaptable. Elle a une diversité génétique plus importante et donc elle va s'adapter beaucoup plus facilement au changement climatique. Et en participant à cette recherche avec même l'INRA en France et des études qui ont été faites, j'ai pu constater que le monde scientifique a bien constaté ça, que les froments, pour parler des blés, que les froments modernes, aujourd'hui les rendements diminuent dans les campagnes. Avec la chimie, même avec la camisole chimique, les rendements diminuent. Parce qu'ils ont du mal à s'adapter à des grosses pluies l'hiver, à une période sèche, etc. Et pour répondre à ça, des universités ont tenté de remettre de la diversité dans les semences en faisant ce qu'ils appellent le composite croisement composite population, CCP, c'est du croisement de population moderne à travers tous les sens pour redonner plus de diversité génétique dans les blés. Et j'ai testé ces CCP, donc ces mélanges, et franchement c'était décevant à côté des blés anciens. Nous on est parti de populations plus anciennes, qui n'ont pas été trafiqués par ces semenciers, donc qui ont cette diversité et cette dynamique. On parle de population dynamique, c'est qu'au niveau des gènes, de leur capacité à évoluer, elle évolue. Les blés que j'avais, les premiers blés anciens que j'ai été chercher pour cultiver dans ma ferme en 2009, aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes. Il y a eu une évolution, il y a eu des croisements qui se sont faits naturellement et c'est les mieux adaptés qui résistent. Et bon, là je rentre un peu dans des termes techniques. Revenons à la charte, Marc. Voilà, donc un blé résilient, c'est cela. Et une agriculture résiliente, c'est une agriculture qui est capable de s'adapter. Dans le bétail, c'est la même chose, on a des races beaucoup plus sensibles, délicates, qui dès qu'il fait trop chaud, bon, les poumons, un chien c'est pareil, on voit ça. Et d'aller vers des races, une agriculture qui est capable de passer des caps un peu plus compliqués, plus difficiles, que ce soit pour les plantes, que ce soit pour les animaux. Et dans nos pratiques, bien sûr aussi, une agriculture autonome, c'est une agriculture qui va un peu plus viser à tourner sur elle-même et importer le moins possible et exporter à des... Nous, on ne produit pas pour un marché, on produit pour nourrir le peuple, quoi, les personnes ou les magasins, mais pas pour un marché. Ça, c'est une des grandes différences avec l'industrie. Tu parlais au départ de la foire, grande foire de Libramont. La grande foire, elle est là pour répondre à un marché, mais pas pour nourrir un peuple. Et pour moi, ici, à la petite foire, ce qu'on fait, c'est travailler pour nous nourrir, nous, mais nous et nos amis et nos voisins. Et ça, pour moi, c'est important. Oui, et même les gens qu'on ne connaît pas. Hein, sinon, ça fait un peu... Les gens de notre village, les gens de notre région, pas les Chinois. Même si j'aime beaucoup les Chinois, mais on ne va pas produire pour nourrir une population qui habite à 5000 km d'ici. Quoi. Le deuxième point, c'est... Et là, les communes peuvent beaucoup avoir, c'est au niveau de l'accès à la terre. Certaines communes ont des terrains communaux, des SAR, et là, on parle des SAR communaux, c'est les biens communaux, et qui auparavant ont été dédiés, étaient partagés entre les villageois. Et puis les villageois ont abandonné l'agriculture, hein, les années 30 glorieuses ont fait qu'on est allé travailler à la ville, etc. Et maintenant, ces biens communaux sont généralement cultivés par les plus gros agriculteurs. C'est ceux qui sont restés. Et donc, des jeunes qui veulent aujourd'hui se réinstaller en brebis, en chèvres, ne trouvent plus de la terre. Beaucoup de jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole ou qui le sont, mais pas de la dernière génération. Donc, les parents ont vendu les terres et n'ont plus accès à la terre. Et là, je pense qu'au niveau communal, c'est redonner aux élus communaux confiance qu'on doit, ils peuvent faire changer des choses et remettre des paysans en activité, en libérant des terres, en leur prêtant des terres. Ça, c'est un point. Et alors, dans ce cadre-là, ces jeunes ont besoin de formation. Le MAP a pour ça beaucoup d'expérience sur les formations paysannes. Le savoir-faire, ce n'est pas toujours à l'école qu'on l'apprend. Et donc, dans la pratique, beaucoup de personnes ont besoin de soutien, d'expérience. Et donc, il y a des formations qu'on met en place. Mais pour cela aussi, il faut des lieux, des aides aussi, et des outils. Et ça, les communes peuvent vraiment être utiles. Et encourager aussi des citoyens à se lancer là-dedans. Je pense que c'est tout à fait... faisable. Un autre volet qu'on aime développer, c'est les marchés locaux, parce que une fois qu'on a la terre, une fois qu'on a l'information et qu'on commence à produire, il faut vendre. Et là, organiser des filières, des marchés locaux, parce que voilà, comme je dis, on ne veut pas répondre à un marché, mais plutôt à du local. Il y a des initiatives déjà qui existent, les groupements d'achat, les marchés locaux. Et pourquoi les communes ne pourraient pas initier un peu plus des innovations avec des citoyens, etc. Mais elles ont un grand rôle, elles peuvent avoir un grand rôle là-dedans. Et pareillement pour les écoles et les collectivités locales. C'est ça que je voulais ajouter, les écoles, les hôpitaux, des endroits dans les communes même, où c'est important, mais c'est toujours important que les gens mangent bien, sainement. Mais je crois que c'est là-dedans aussi que ça va aussi porter plus, parce que si les gens dans les hôpitaux, les écoles, les enfants mangent bien, ça devient presque partie de leur éducation. Et c'est ça que ça va, il y aura un avantage à la long terme, je crois. Parce que c'est comme ça, parce que vous avez posé une question avant sur les grands fermiers conventionnels. Mais les futurs fermiers, s'ils sont à l'école maintenant, s'ils mangent bien à l'école, ils vont peut-être aussi vouloir continuer à manger bien. Je pense que c'est c'est partie de la troisième levier. Et puis la dernière... dernier point sur la charte, c'est sur la politique agricole et alimentaire de nos communes. dans quelle autonomie on veut faire, et par rapport à la politique agricole, comment les communes peuvent proposer des alternatives à cette PAC, la politique agricole commune européenne, qui elle a quand même aujourd'hui amené un énorme changement, un éloignement du consommateur entre producteurs et consommateurs. C'est l'industrie qui s'est accaparée ça, et les lobbies à Bruxelles n'arrêtent pas de continuer à argumenter. C'est aussi les plus gros agriculteurs qui ont le plus de primes. Le petit maraîcher local, il n'a rien de la PAC, et pourtant il paye ses impôts comme tous les autres, et il galère dans son coin. Là, il y a des injustices sur la redistribution de notre argent. C'est la politique agricole commune, c'est les subsides qu'on reçoit, c'est l'argent du contribuable. Et là, je pense qu'il faut que les communes peuvent, aussi par les accords comme le CETA ou quoi, se positionner en tant que commune qui refuse le CETA ou le TTPI, ces accords mondiaux qui ne vont pas dans le sens d'une automatisation de nos régions. Et voilà les points les plus importants de la charte. Maintenant, il y a comment la mettre en œuvre. J'avais envie de dire, ça n'a pas dû être facile de se mettre d'accord. Il y a combien? 4 points? 4 gros points? Ça n'a pas dû être facile de faire un résumé des 4 gros points, non? Ça a été... Comment la discussion, comme ça, ça s'est fait? Ça a mis quand même 4 mois pour accoucher, 4-5 mois. Oui, oui, mais bon, on est quand même dans un même esprit au départ. Hein. Non, il y a toujours des petits points qui posent un peu problème, mais globalement, c'est les grandes idées qui sont importantes. Et on l'a travaillé plusieurs fois, effectivement, parce qu'il y a, sur la filière, les quotas, c'est des points qui sont souvent un peu sensibles. C'est super, donc ça, 4 mois, c'est pas long. Attends, viens. Dire que je pense que vous n'avez rien invité. C'est à base aussi des initiatives qui existaient déjà, le réseau international qui existait déjà, et c'est aussi la science et votre expérience qui nourrit quand même le texte de cette charte. Oui, tout à fait. On l'a voulu, on l'a dit d'ailleurs, paysanne, parce qu'elle est partie de paysans et de nos pratiques et de nos échanges aussi avec... Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que le MAP fait partie de la... au niveau de l'Europe, on l'appelle comment maintenant? La Via Campesina Internationale, ou qu'est-ce que... Voilà, et Via Campesina Mondiale, et l'association qui regroupe tous les paysans du monde. Et là, c'est le fait de faire partie de cette Via Campesina nous permet en tout cas des rencontres, des échanges, et de comprendre tous les mécanismes que engendre l'industrie ou le grand marché à exploiter des paysans au Brésil, en Amérique, en Inde, etc., pour, je dirais, parfois nourrir nos cochons, où on exproprie là-bas des terres qui retournent à l'industrie pour faire du soja qui va servir à nourrir nos poulets et nos cochons. Enfin, ça, on connaît. Donc, cette sensibilité. Donc, sur ces points-là, c'est évident qu'on était d'accord, et que si on veut faire une charte communale, c'est de dire, mais comment nos communes vont être... de pouvoir développer une agriculture plus résiliente face à la crise pétrolière. Si demain il n'y a plus de pétrole, le transport de toutes ces marchandises ne pourra plus se faire. Et quoi? Et que ces peuples du Sud puissent retrouver une agriculture aussi à eux. Bien sûr. Via Campesina, j'ai entendu 1 million de personnes? Oui. C'est ça que j'ai entendu? 1 million de paysans, sûrement. Sûrement, oui. On vérifiera ça. On continue alors, il y a cette charte qui est une charte commune paysanne qui est créée. Et puis qu'est-ce qui se passe? Vous expliquez la suite là, parce que ça devient du concret. Hein, et ça c'est vraiment intéressant, ça veut dire que vous avez réussi à faire une charte commune paysanne où les gens qui vont entendre cette émission peuvent se réapproprier cette charte. Ça c'est génial. Qui va plus loin pour expliquer? Ça c'est toi, hein. Comment c'est ton prénom? Tietzke. Titske, mais comment veux-tu que je retienne ça? Et là, c'est toi. Maintenant, t'as une émission radio pour le retenir. Faut toujours réécouter. Réécouter. Oui, mais c'est maintenant, tu vois, quand j'ai envie de fois de te faire Titske. C'est pas grave. La charte est créée. Je l'ai lue la première fois quand c'était pas encore tout à fait fini, en mois d'avril, parce que j'étais en train de parler avec une amie à moi qui est paysan boulanger. Qui cultive aussi ses céréales. Je fais mon pain avec sa farine aussi. Donc il m'a parlé de cette charte. À un certain moment, il m'a envoyé le texte une fois, même le texte même avant c'était fini. J'ai lu. Il y a vraiment clairement, ça c'est intéressant pour les citoyens, on va dire moi comme citoyenne, c'est le contexte dans lequel ça se trouve, le constat, donc les constats qui sont faits, et après donc les piliers qu'on vient d'expliquer un petit peu. Et après c'est un référentiel qui m'a intéressé quand même beaucoup, parce que c'est quand même un peu technique. Il y a des questions par pilier à poser après aux nouvel élus dans les différentes communes, et ils peuvent répondre à ces questions. Et les élus peuvent répondre. Les élus, mais j'encourage quand même, ou je veux recommander aux autres personnes qui s'intéressent de lire cette charte. Parce que même les questions, de te poser des questions, même si tu n'es pas quelqu'un qui va changer la politique, en te posant ces questions, tu vas mieux comprendre les défis, peut-être. Mais aussi pour moi, c'était une certaine évidence. Et c'est pour ça que je me suis engagée, c'est ça que je pense qui est important pour la suite. Que c'est pas tout révolutionnaire ou quelque chose. Il y a certains aspects, certaines questions que tu te demandes pourquoi elles ne sont pas posées avant plus, dans une façon si... Enfin, tu veux que je donne un exemple, oui. Peut-être. Ça serait difficile. Je n'ai pas la charte et je ne connais pas la question par cœur, surtout en français. Donc, comment faire maintenant? Donc, j'ai lu cette charte et maintenant, on l'a présentée ici à la petite foire. Mais il y a aussi ça que j'ai pu aider parce que mon français n'est pas suffisant pour travailler le texte. Mais donc, on a choisi de créer un site web. Et ce site, chartecommunepaysan.lemap.be, sert comme base. Parce qu'on a, bien sûr, après, c'est une charte de commune, donc ça va se faire, le travail va se faire dans les différentes communes. Mais pour pouvoir communiquer. Quand on parle de communes, ça veut dire des communes dans les villages, de communes à Bruxelles, de communes. Comment vous voyez ? En ville et à la campagne. Voilà. Par exemple, en ville, la ceinture alimentaire de Liège va être l'ambassadeur pour notre charte. D'accord. Donc elle va amener à la commune des idées et les propositions de la charte. Et donc on cherche maintenant des ambassadeurs, parce que le MAP tout seul, et nous les paysans, on a du travail dans les champs, on ne peut pas être partout, on ne peut pas porter toute cette charte tout seul. Donc c'est le milieu associatif qu'on contacte, et des personnes qui sont proches, qui peuvent être ambassadeurs, aller trouver leurs élus avec la charte et poser les bonnes questions pour faire avancer les choses, s'associer à d'autres. Et que si dans chaque commune, il y a 2, 3, 4 personnes qui font partie de mouvements différents, de mouvements citoyens, et surtout s'ils peuvent accrocher un ou deux agriculteurs, paysans, à venir proposer la charte à leurs élus, là on va pouvoir vraiment interpeller, je pense, le politique. Ici, on a quand même choisi de déjà interpeller les candidats et les conseils communaux actuels, déjà avant les élections, parce qu'on pense peut-être qu'ils sont plus d'attention encore pour les voix communales, on va dire, les voix qui sont là, et notre voix, la charte serait une voix, ou les mandataires, les partenaires de la charte dans des différentes communes et des régions sont des voix qui peuvent peut-être mieux entendre ou écouter pendant la campagne, donc avant les élections même. Et comme ça, on va essayer avec les différents partenaires dans les différentes communes de déjà les informer, les signaler, de qu'ils soient au courant de la charte. Et on va les retrouver quand, en tant que nouvel élu, en janvier 2019, pour vraiment les faire signer. Non, voir s'ils peuvent sous-signer cette charte et donc répondre à toutes ces questions. Il faut savoir aussi, ils peuvent signer cette charte, mais dire non à chaque question. Si tu dis non à chaque question, je ne m'engage pas, tu peux encore le sous-signer. Mais on peut aussi, comme j'ai dit, on a fait cette carte, cette site web, où il y aura une carte qui sera mise à jour progressivement, qui est déjà là, les mandataires actuels et les partenaires sont déjà là. On a rencontré plein de gens ici ce week-end qui vont aussi s'engager. On va les ajouter sur cette carte et qu'on progressivement, et surtout donc en 2019, quand les communes ou les communes commencent à le sous-signer, ils vont aussi apparaître sur cette carte. Donc, mais ça va aussi être visible s'ils ne signent pas. Donc, et on ne va pas vraiment jouer avec l'idée d'un label où c'est, tu es bon ou tu n'es pas bon, parce qu'il n'y a aucune commune paysanne en Belgique pour le moment. C'est vraiment une offre de s'engager, d'avancer ensemble dans ce mouvement. Et donc, si je comprends bien, il y a une charte qui est créée. Après, elle est mise sur le site web. Les gens peuvent se la réapproprier pour mettre en place avec les gens qui gèrent la commune une politique beaucoup plus proche et humaine. Oui, bah, ça c'est les termes évidemment, mais l'idée c'est ça en fait, c'est de... Vous avez créé une charte avec des points précis que vous allez proposer à la politique pour qu'ils les mettent en place, pour que ce soit plus facile de se mettre maintenant à travailler une vraie politique paysanne. Quoi. C'est ça en fait l'idée centrale. Oui, mais il y a aussi là-dedans la proposition de créer une régie communale de, je vais dire maintenant, de la gestion de territoire, mais je ne sais pas exactement si c'est ça. Donc une sorte d'entité, une sorte de structure dans la commune officielle qui sera chargée de la gestion de territoire, donc de ces questions, de cette charte. Et de proposer quand même, on avait pensé, quatre réunions par an avec le conseil communal, avec les paysans de cette commune et les ambassadeurs et les citoyens qui seront invités. Donc vraiment des rencontres quatre fois par an pour voir où ça va. Et de toute façon, si les gens, si les élus signent cette charte, ils s'engagent à répondre, à réévaluer ensemble avec nous en près de 2 ans le progrès. Et non. Ben ça c'est la suite. Oui, ça c'est la suite du projet. C'était quoi la question ? Mais voilà. C'était je clarifie avec mes mots à moi pour que tout le monde comprenne bien en fait c'est quoi le projet de cette charte commune paysanne. Et maintenant j'ai envie de vous poser une seconde grosse question. Oh, il y a un chien là. Coucou. Donc vous croyez à la politique représentative évidemment. Dans ce projet de charte commune paysanne, vous attendez encore des choses de cette politique représentative, évidemment. Vous voyez, voilà, évidemment qu'avec une politique qui met en place des lois, des règles qui vont dans le sens de la paysannerie, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Mais ça veut dire encore que vous croyez que les politiques sont pas tous des pourris, quoi. Allons, faisons simple. Ouais, oui, effectivement, c'est un pari. Et au sein de notre commune, j'ai assez confiance, voilà, parce que est né donc notre petite épicière, notre vieille épicière a voulu fermer son magasin il y a de ça 10 ans. Une dame très courageuse s'est lancée à faire une coopérative citoyenne pour que ce soit les gens du village qui reprennent ce magasin. Elle a été trouvée la commune. La commune est le plus gros coopérateur. Elle a mis 5 000 euros, alors qu'on est une commune très pauvre, dans cette coopérative, pour soutenir le projet. Et l'échevin, un des échevins nous fait la comptabilité gratuitement, parce que il a, voilà, c'est un service qu'il fait pour ce projet. Donc on est vraiment bien encadré. Et moi je vais aller plus loin maintenant, de dire, voilà, le magasin tourne, il y a des bénévoles. C'est aussi le soutien de la commune. Par rapport à, je dirais, un problème de l'AFSCA ou quoi, peu est important. On est, pour moi, les pouvoirs publics nous ont embêtés avec des normes toujours de plus en plus exigeantes, etc. Et comment faire avancer ces normes pour qu'elles ne soient elle nous correspond plus à ce que nous faisons. Que les normes sont faites pour l'agro-industrie et pour leur truc, ok, moi c'est pas mon problème, mais qu'on ne les adapte pas nécessairement, enfin, ou qu'on ne les copie pas pour nos problèmes. Et que ce que nous faisons, nous on mange ce qu'on fait, on connaît les personnes qui vont se nourrir, et je pense qu'on ne va pas essayer de les empoisonner. Quoi. C'est pas, et donc là, il doit y avoir un allègement des normes, et ce combat. Je pense que vraiment que la commune, les soutiens de ces... Voilà, j'y crois. Qu'on puisse faire changer des choses à partir de nos politiques. Et l'autre point que je vois maintenant... Donc c'est la politique de ton bled, de ton village, et la politique à la... Tu vois. Donc on peut dire le nom de ton village ou tu préfères rester anonyme? Meix devant Virton. Donc à Meix devant Virton... C'est une politique comme ça? C'est une politique positive Pas surtout, hein. Je ne connais pas non plus toute la politique. Mais t'es confiant, Marc. Je suis confiant en la construction de filières et de développement de la paysannerie. Allez, tous à Meix devant Virton. non, mais les outils qui ont été mis en place par le milieu associatif. Il y a eu les paniers de légumes après, puis qui tournent maintenant. Le réseau Solidairement, qui lui va, qui aujourd'hui est une coopérative de producteurs et de magasins hôteliers, restaurants, et qui font de la distribution dans toute la province de Luxembourg de nos produits. Donc nos produits circulent via cette coopérative dans des magasins. Moi j'ai un bel exemple, une dame qui est à Oudemont près de Bouillon. Ouvre une crêperie, ça s'appelle la fille du boulanger, et cette dame se fournissait dans le Brabant pour avoir sa farine de sarrasin. Et quand elle a vu que sur le site du réseau Solidairement, il y avait de la farine de sarrasin locale, ben elle n'a pas hésité. Et aujourd'hui, elle se fournit localement, elle est même très heureuse de la qualité qui est supérieure à celle du Brabant. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est de créer ces outils qui permettent de faire une dynamique économique locale, d'économie locale. Et le point suivant, la commune maintenant a lancé un projet d'atelier rural. Et ce qui me fait drôle, c'est qu'elle n'a aucun projet. Elle va avoir un subside à 80% de l'Europe, ou de la. Oui, je pense que c'est l'Europe en partie et la région, pour aménager des espaces dans lesquels ils sont vides aujourd'hui. Et quand on arrive, pour moi, c'est toujours à Meix, et il y en a dans d'autres communes. Et donc, ce que j'invite maintenant, c'est nous, les paysans et citoyens, avec cette charte, on va pouvoir développer des choses. Est-ce qu'on a envie de faire une filière pain? Avec le triage, le stockage des céréales, qu'est-ce qu'on a besoin pour que demain, nos boulangeries vendent du pain de nos blés qui ont poussé à Meix ou dans la région. On ne dit pas qu'il faut que tout vienne de là, mais ce serait le top, quoi. Que l'huile qui est pressée localement, de nos colzas, de nos tournesols, parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a des nouvelles cultures qui sont possibles. Là, cette année-ci, moi, j'ai semé de la caméline. C'est une vieille plante qui aujourd'hui prouve qu'elle fait une super huile diététique, etc. Comme le chanvre aussi. Mais voilà, on a 4-5 cultures d'oléagineux qui s'installent dans la région, mais il nous faut des débouchés et il nous faut des infrastructures pour mettre en bouteille. Et ça, les ateliers ruraux peuvent être vraiment des beaux outils, comme la filière viande, la filière lait, des coopératives. Je crois que si à ça, la paysannerie va pouvoir prendre plus d'ampleur. Et toi, Inke, qu'est-ce que tu penses de ma question? Tu veux que je te la refasse? Si ou pas tous les politiciens sont, ou les politiques pourris ou pas? En tout cas, dans votre charte commune paysanne, vous croyez encore à une politique représentative? Oui, c'est une des raisons que je me suis engagée. Avant que j'ai rencontré là où j'ai découvert la charte, je me demandais comment je pouvais m'engager au niveau communal dans la politique. Parce que je suis ici depuis dans la région depuis 5 ans. Donc vraiment toute la terre, toute la, la période de ce collège communal, ce groupe qui gère ma commune maintenant. Et j'ai travaillé pour la commune aussi, quelques années, dans les écoles communales. Donc j'ai vraiment rencontré les enseignants, tous les enfants, les familles. Je faisais tout en vélo, donc j'ai rencontré plein de personnes. Et ici dans la région alors? Dans la région de Chimay. Okay. J'avais habité pendant 9 ans à Anvers, Granville. Je viens d'une petite ville à la Frise, pas la campagne, mais quand même un endroit plus clair que l'Anvers. Donc on a quitté Anvers pour raisons qu'on ne va pas parler maintenant. Donc on arrive à Chimay et je travaille pour la commune, je découvre tout ça. Et j'ai aussi mis en place avec des subsides, avec autres partenaires, des projets plus éducatifs, pédagogiques, artistiques. Avec des subsides aussi, donc j'ai fait ça parce que j'avais l'expérience de mettre en place des projets. Et j'ai rencontré des difficultés, aussi avec des personnes concernant la commune, et des collègues, des personnes dans mon village ou le village où je donnais cours, où je faisais des activités. Mais aussi j'ai vu une énorme réponse, mais en même temps, on va aller sur le sujet de la charte et la vie paysanne ou la politique. J'ai trouvé que si on a découvert quelque chose et on en croit quelque chose, si on lit cette charte et on est confiante que c'est un bon texte qu'on peut supporter, il faut être confiante. Il n'y a aucune raison d'être méfiante. Si tu proposes pas quelque chose, si tu n'utilises pas ta voix, pour moi c'est très difficile d'être contre. Donc il faut l'essayer. C'est le seul pouvoir qu'on a. Donc je suis confiante. Oui, mais moi je dis pas qu'il faut pas utiliser sa voix. Je veux dire, par exemple, vous pourriez créer quelque chose, mettre tout en place, voyez, faire de l'autogestion. Et pas attendre des pouvoirs politiques qu'ils se bougent ou qu'ils y pensent. Mais voilà. Mais c'est en partie donc mon expérience dans la commune où j'ai travaillé. Et c'est aussi ça que j'aime bien dans la charte. C'est une proposition aussi des paysans même qui disent on a notre savoir-faire, savoir-être et on peut vous proposer à créer des, comme j'ai dit, une régie communale, des rencontres avec les paysans même parce que il y a un réel intérêt, je pense, de la politique parce qu'ils ne peuvent pas être au courant de tout et d'être experts de tout. Surtout si des choses, il y a beaucoup de traditions. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est très apparent. Parce que je viens d'ailleurs, donc je vois des systèmes et des schémas en place où les gens sont aussi, ils s'expriment aussi, mais c'était toujours comme ça. Ce qui n'est pas un argument pour moi. Mais je comprends pourquoi c'est un argument pour certaines personnes, parce que c'est comme ça, autour de soi. Mais j'ai expérimenté moi-même que si tu essayes de mettre, tu peux avoir des difficultés. Mais ce n'est pas d'énergie perdue si tu il y a de intérêt réel, je crois. Et ça, c'est, je crois, mais les personnes que j'ai rencontrées depuis le début que je me suis engagée à travailler sur la charte, je crois, mes collègues, on va dire, qu'il y a aussi à ce sujet de la politique, d'une politique agriculture alimentaire. Je les crois qu'il y a aussi un réel intérêt dans la politique pour des voix informées. Oui. Oui, tout à fait. Et ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que nos communes, nos élus communaux ne connaissent pas la question agricole. Elle est, j'ai déjà été les trouver et ils ne connaissent pas les problèmes agricoles. C'est devenu tellement compliqué que, sauf peut-être si, enfin, dans ma commune, je ne pense pas qu'il y ait encore un agriculteur qui est élu, qui est échevin ou conseiller. Il y en a peut-être un, mais comme ça, à première vue, je ne le vois pas. Et de ce fait-là, le conseil, les politiques ne connaissent plus l'agriculture. Parce que c'est pas leur domaine. Moi, je coupe là, oui, mais c'est parce que j'entends bien ce que vous dites. Mais de toute façon, c'est beau. C'est que vous y croyez et que voilà, c'est des étapes à mettre en place. Je m'explique, hein. Oui. C'est que vous allez mettre cette charte commune paysanne en route et puis on verra bien la suite, évidemment. De toute façon, voilà, quelque part, c'est une bonne idée. Après, il y aura un plan B si jamais... Ça, c'est déjà une chose. Mais moi, je crois, pour en revenir aux politiques, quand tu dis qu'ils n'y connaissent rien, oui, évidemment. Moi, je vois plutôt les politiques comme des entrepreneurs qui doivent faire marcher leur business. Mais vous ne croyez pas, après on va s'arrêter là-dessus, hein, on va clôturer, mais vous ne croyez pas que si vraiment les politicards, on va les appeler les politicards, c'est bien les politicards, la politique quoi, les politicards, s'ils voulaient mettre en place une politique plus proche des gens et plus proche des paysans, et ben ils se seraient entourés depuis longtemps pour que ça change quoi, tu vois, c'est aussi ils attendent quelque part peut-être des gens comme vous pour bouger les choses, hein, je dis pas, mais faut pas prendre non plus les politicards pour des idiots, hein, genre ils n'y connaissent rien, ben oui ils n'y connaissent rien, mais ça les arrange bien de faire Tout à fait, et ceux avec qui ça n'ira pas, qui ne vont pas, bon déjà ils seront bien notés parce que sur le site ce sera bien expliqué les communes paysannes et celles qui ne le sont pas, mais au moins ça aura fait réagir la population et ça n'empêchera pas que des groupes créent leur propre développement sans la commune. Et ça peut être aussi... Nous, on n'a pas toujours attendu que la commune nous suive. J'ai parlé de l'exemple de l'examen, du magasin, mais après, on a fait des choses et on n'a pas toujours été demandé à la commune. Et on a été demandé à la région, pour certains, pour la coopérative. Je sais qu'on a été refusé, mais ça ne nous a pas empêché de le faire. C'est ça qu'il faut retenir aussi, quoi. Évidemment que ça va plus vite et c'est plus fort quand le politique suit, mais si le politique ne suit pas et fait semblant de rien, et puis surtout dit qu'il n'y connaît rien, enfin ça suffit. Au contraire, le fait de s'opposer peut parfois créer une meilleure dynamique. On a déjà vu ça aussi. Hein. Ah, la commune s'oppose, eh bien, on va le faire nous-mêmes. Et tout de suite, on a dit personne en plus. Donc c'est pas toujours... Moi, je pense que c'est intéressant de l'utiliser dans ce cadre-là aussi. Si la commune refuse, ben, c'est pas grave. On va se démerder nous-mêmes et ça va mobiliser peut-être encore plus les citoyens. Allez, génial, on est avec vous, on vous suit. Les références encore sur Internet, comment on peut faire des choses concrètes. Sur la site chartecommunepaysan.lemap.be, il y a la charte, la référentielle, la carte interactive avec les ambassadeurs. Donc les ambassadeurs sont les partenaires, donc les associations, entités qui sont déjà réunies, qui connaissent déjà les gens, qui le soutiennent déjà. Les mandataires, donc les personnes individuelles dans les communes qui se sont engagées dans leur commune d'interpeller leurs candidats et les nouvelles élus. Et on a après une page qui est maintenant encore vide, les communes. Donc c'est dès 2019 pour retrouver les communes qui ont signé ou pas. Sur ce site, on a la charte avec certains liens aussi pour des annexes, plus des informations plus profondes, de l'argumentation plus forte, parce que pas tout le monde est à la connaissance de tout le contenu. Donc, et en fonction des réponses qu'on aura pendant les mois prochains, on va aussi ajouter plus d'infos. Donc on a besoin vraiment des réponses des gens qui ont lu la charte, qui nous ont vus ici à la petite foire, qui entendent quelque chose mais qu'on ne comprend pas, de nous le dire. Parce que comme ça, on peut adapter ce site pour mieux informer les élus, les candidats, mais aussi les citoyens, comme ça, parce que de toute façon, c'est les citoyens, on parle aussi, donc on dit c'est l'élection 2018 pour le bien commun. C'est quand même, comme Philippe a dit déjà dans la conférence tantôt, c'est les citoyens qui ont le pouvoir, parce que si on se réunit, les petits conseils communaux doivent nous suivre quand même, c'est nos voix, donc c'est ça, c'est sur le site, ce serait notre voix et votre voix. Merci à vous deux. Oui, merci. Merci à vous.